On prend le rap, on encule à deux. On prend le battle, le fait nettoie à deux. On s'en sort, on crève à deux. Cœur qui bat quand ça tire à deux. J'ai mal à la vie, je recompte mon fric. Toi pense à ma bite. J'suis Enda, j'suis que la famille. Je leur donnerai ma vie sans pousser un cri. Face à ma solitude, je tourne tout à l'univers. Je veux faire le bien, ça empête Lucifer. Et crois pas qu'on est riche, mais crois pas qu'on est pauvre. Et j'ai honte pour ceux qui attendent qu'on les sauve. J't'ai perdu, tu m'as jamais trouvé. Je les aime bonnes sims comme OCB. Je recompte charbon avant l'été. Je me suis cherché, j'ai brassé, je me suis pas trouvé. La vie n'a pas de prix à part ce qu'elle m'a appris. Et je ressens le vide, mais c'est pas ce qu'elle m'a appris. J'ai gardé le pénaf du charbon, c'est le même. J'tors de me rappeler ce que ma vie aurait pu être. Ce que cette lumière aurait jamais pu naître. Ça me sauvera pas trop tard, j'suis plus net. J'suis plus net. J'suis plus net. J'suis plus net. Dans la lunette. On prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fait nettoie à deux. On s'en sort, on crève à deux. Cœur qui bat quand ça tire à deux. J'trouve la vie, j'aime pas. J'vous sors le Z là. J'suis ravi d'être là. Pourtant j'vous aime pas. Mélodie du bando. Banlieusard, hello. C'est comme ça que j'dis hello. J'suis perché dans les abîmes. Un peu comme Anakin. Yoda roule un deux feuilles. Obscur très tôt dans la matinée. Fais poche quelques centimes. Plus rien pour les sentiments. J'lui parle assez poliment. J'lui revends quelques centimètres. Laisse-moi parler dans ma fonce. Laisse-moi rider dans la zone. Avec un peu de weed. Avec un peu de... Laisse-moi planer comme un con. Meilleur buteur de la saison. Avec un cœur vide. Avec un cœur. Victime de ma haine. Y'a que mon cœur qui sait. Grosse graine dans la couve. À la parisienne. Paris c'est ma coupe. J'ai le démon comme Bleach. Ouais ma bitch. Ouais ma bitch. J'suis sauvage c'est le blême. Ouais c'est le blême. Et toi tu connais RR de nous. Au-dessus de la ville nuage gris. Ma froid dans et château. Et la NN nous aura servi comme des Yankees. J'sais d'où j'viens non pas le cul qui sort d'un château. Giro dans les verres plus bactères. Le ciel me rassure. Noir comme Cordesson. Pack de bleu par la Côte d'Azur. J'suis plus net. J'suis plus net dans la lunette. On prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fait nettoie à deux. On s'en sort, on crève à deux. Cœur qui bat quand ça tire à deux. J'trouve la vie, j'aime pas. J'vous sors le Z là. J'suis ravi.